Join me on RIG. RIG. Oh, le marché, c'est un contrôleur de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet pour la dernière fois de l'année. Oui, après on se retrouvera l'année prochaine. C'est la saga numéro 397, la saga des Fab Four, forcément. 12 ans de présence sur RIG et 35 ans d'existence à partir de la semaine... Enfin, oui, de la semaine prochaine, non, de l'année prochaine, donc dans quelques temps. 35 ans d'existence pour la saga, c'est génial, j'adore ça. L'album de la semaine, c'est l'album Wildlife qui vient de ressortir en coffret gelé. Et je vais vous proposer des extraits de cet album-là. On écoutera Bebop, on écoutera l'album date de 71 au fait. On écoutera Wildlife, Love is Strange, Tomorrow, When the Wind is Blowing, qui est un inédit de cette époque-là. Et Hey Diddle, mais le home recording de cette chanson-là, voilà. Il y aura aussi du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Happy Christmas, War is Over, parce qu'à votre demande, et de toute façon, lorsque c'est Noël, je le fais à chaque fois, il va y avoir les chansons de Noël faites par nos quatre fabuleux. On commencera par John Lennon, Happy Christmas, War is Over. Extrait de l'album Sometime in New York City en 72, mais c'était également un 45 tours, évidemment. Pour Harrison, ce sera Give Me Love, Give Me Peace on Earth, parce que je crois qu'on en a plus que jamais besoin, tiré de l'album Living in a Material World de 1973. John Lennon, non, Ringo Starr, je voulais dire, Ringo Starr chantera Oh My My sur l'album Ringo en 73. Et pour les Beatles, le premier Beatles de la soirée sera Get Back, extrait de l'album Let It Be. Voilà, pour le reste, eh bien, vous verrez bien. Je vous propose de nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, pour le reste, je vous souhaite une très, très, très, très, très, très, très, très bonne soirée. Jusqu'à 22h, c'est La Saga des Fab Four et c'est uniquement ici, sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Voici le premier titre qui va peut-être vous rappeler un titre de Souchon et de Woolsey. Bebop sur RIG. Ça, Bebop Link en plus. Et puis, cette chanson de Souchon et de Vosley, à votre avis, c'était quoi ? Il y en a une qui a trouvé. Écoutez. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Alors, ça n'est pas un plagiat, mais il y a de l'inspiration, en tout cas, sur cette chanson-là, parce que sur la petite intro à la guitare, vous auriez pu faire bip, bop, bip, bop, bop, bip, bop, bip, bop, bé. Joyeux Noël, tout le monde. So this is Christmas. la chanson pour la paix signée George Harrison en 1973 sur l'album Living in a Material World. Pour Ringo Starr, je ne sais pas comment on peut traduire Oh My Mind, peut-être Oh là là ou Oh ma chère ou un truc comme ça. C'est une expression typiquement anglaise, mais c'est très bien dans sur cet album-là. L'album qui a failli, pour les fans de l'époque, qui donnait l'impression que les Beatles, déjà en 1973, se reformaient, puisque au moment de l'enregistrement, même s'ils n'ont jamais été tous ensemble au même endroit, il y a eu Ringo, forcément, puisque c'est son album, mais il y a eu aussi George Harrison, il y a eu Paul McCartney et il y a eu John Lennon présents dans le studio pour donner un coup de main à leur pote Ringo. C'était bien, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu le temps de se reformer pour un album, un truc comme ça. Ils l'ont fait en 1995 de manière virtuelle. C'était très bien. Quel dommage que ça n'a pas pu être fait. On est passé quelquefois très très près. Allez, on n'en parle pas. C'est Noël. Donc voici Oh My Mind, 73 sur RIG. 4. sur ce bon album de Ringo. Vous avez aussi I'm the Greatest, écrite par John Lennon pour son pote Ringo Starr, et aussi You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Et puis il y en a d'autres qui sont bien aussi, comme celles que vous venez d'entendre à l'instant. On a écouté Paul McCartney avec Bebop, John Lennon avec Happy Christmas, War is Over, George Harrison avec Give Me Love, Give Me Peace on Earth et Ringo Starr, Oh My Mind. Donc, nous allons aborder les Beatles, et lorsqu'on veut parler des Beatles, je vous conseille le meilleur site pour pouvoir avoir des nouvelles sur les Beatles, pour avoir des nouvelles sur les 4 de Liverpool, c'est Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, sweet but Rosetta. She was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, picture the fingers going. Okay. To say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition. John Lennon qui termine, je voudrais vous remercier au nom des filles et de moi-même, et on espère qu'on a réussi l'audition quand même, les Beatles, en 1970, enfin 69, puisque c'était sur le toit. C'est un album qui est resté dans les placards jusqu'à ce qu'il ressorte en 1970 avec Abbey Road, qui était enregistré après, mais qui est sorti avant.

saga des Fab Four, c'est sur RIG. Qui s'appelle l'intégrale Lennon sur, sur John Lennon, forcément. Et je le trouve un peu vache avec John Lennon, quand même. Il dit, de la part d'un personnage moins sympathique que Lennon, cette chanson serait vraiment déplaisante. Construite sur une mélodie d'un entrain un peu écœurant, la chanson présente un Lennon de bonne humeur, ça c'est positif, qui loue sa capacité supposée à voir le bon côté des choses et suggère que nous n'aurions pas entièrement tort de suivre son exemple. John avait peut-être raison de suivre son instinct, mais il avait dans de meilleures chansons reconnu les aspects plus sombres et plus turbulents de sa personnalité. Musicalement, la chanson est pauvre. Quant à l'élévation intellectuelle qu'elle professe, c'est un peu l'aveugle guidant l'aveugle. Je n'ai malheureusement que ça à vous proposer comme commentaire sur cette chanson-là. Voici les Beatles par deux fois. D'abord All Together Now pour qu'on puisse chanter tous ensemble et puis il y aura Revolution, le 45 tours sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles. 1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together.

vous êtes peut-être pour la première fois sur le 90.7 ou sur le www.rjfm.fr et vous vous dites, mais c'est de la bonne musique, ça, c'est les Beatles, c'est bien que ça passe sur une radio. Oui, ça passe tous les mercredis de 20h à 22h ici à Blanquefort sur RIG qui est votre radio Beatles. Et là, au sujet de cette chanson Revolution, c'est la version du 45 tours, la version un peu plus musclée que la version qui figure sur l'album blanc. John Lennon ne l'aimait pas trop et pourtant elle est furieusement rock'n'roll. Ce qui est amusant, c'est que au niveau de la batterie, c'est pépère. Comme ça, c'est pépère. Et quand on regarde le clip, je sais pas si vous avez déjà vu le clip de cette chanson-là, eh bien, même au niveau de la guitare, en fait, ce sont les potentiomètres qui montent dans le rouge, c'est pour ça que le son est énorme, mais musicalement, c'est tranquille aussi. Je sais pas jouer, moi, d'un instrument, mais voilà, ça, c'est une chanson qui paraît violente, qui ne l'est pas. Bon. Allez, chanson de Noël. Alors, c'est pas vraiment une chanson de Noël, mais on va décider que c'est comme ça, puisqu'il dit « Faites sortir le vieux et faites rentrer les bonnes nouvelles, les nouvelles jeunes. » Et puis, à un moment donné, il dit « Hier, demain, c'était aujourd'hui. » Enfin, attendez, « Yesterday, today was tomorrow. » Voilà. « Hier, demain, c'était aujourd'hui. Et demain, hier, ce sera... » Oh, écoutez la chanson. je me mêle les pinceaux. Je suis fatigué. Ding dong sur RG. Ah, d'accord. Alors attendez, là j'ai vraiment un problème et je sais pas comment je vais m'en sortir parce que il est marqué ding dong sur le titre, alors que on va avoir Quand on a que l'amour de Monsieur Brel, ce qui est très très bien Quand on a que l'amour, mais je ne sais pas pourquoi mon logiciel déraille comme ça. C'est du direct. Alors je vais essayer de vous obtenir ça, et si ça marche pas, eh ben tant pis, on passera sur une autre chanson. On tente le coup, allons-y, on va voir ce que ça donne. C'est toujours la même, il m'en reste une autre, c'est le dernier essai, après tant pis, on l'écoutera une autre fois, je suis désolé. Est-ce que c'est bon? Eh ben non. Donc l'album de la semaine est Love is Strange, c'est maintenant sur RG. C'est du direct, c'est comme ça. game. Yeah, yeah, love is strange. Love is like having money in the hand. My sweet baby, love is strange. Yeah, many, many people seem to take it for a game. Now let me hear you singing. La, la, la, la, la, la, love is strange. Yes, it is. I don't need to prove it. RIG, c'est une petite radio. Mais quand on veut, on y arrive. Il va falloir que je passe mes vacances de Noël à regarder s'il y a des erreurs comme ça et pour essayer de les réenregistrer de façon à ce que ça passe. On est mal, vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four qui n'en peut plus en cette fin d'année 2018. J'ai failli dire 1918, je suis vraiment fatigué, vraiment. Oh là là là. Let's go! Back, back, back. Rocky Raccoon sur l'album blanc 1968. Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. And proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Ringo Starr est le seul à avoir fait un album entier de chansons de Noël au cours de sa carrière solo. Je vous propose, d'ailleurs l'album s'appelle I Wanna Be Santa Claus, qui est l'équivalent du Père Noël pour nous. Et sur le verso, vous pouvez lire Santa Claus, I Wanna Be Ringo Starr. C'est l'humour de Ringo Starr. Je vous propose d'écouter une des chansons de cet album-là, sorti en 1999. La chanson, c'est une reprise de ce qu'avaient fait les Beatles lors de, vous savez, chaque Noël, pendant entre 63 et 70, ou même 69. Ils ont fait un petit truc spécial, ça s'appelle la pantomime en Angleterre, c'est-à-dire on fait une sorte de sketch de quelque chose comme ça. Alors, en 63, c'était merci d'acheter nos disques, c'est super gentil. En 64, merci d'avoir vu notre film, etc. Et puis progressivement, avec l'aide de peut-être de quelques trucs qu'ils fumaient, etc., ça c'est parti un petit peu dans un peu plus autre chose, on va dire. Mais c'est de la pantomime et ça existe vraiment en Angleterre. Voici donc Christmas Time is Here Again en 1999, la reprise de ce qui était sorti en 68 pour les fans par Ringo Starr et c'est sur RIG. bad books. Read them fast or slow. But is it fact or fiction? There's just one way to know. Buddha was dancing underneath the Bodhi tree. He was ready to cross over. He was ready. J'adore cette chanson de Ringo en 2008 sur l'album Liverpool 8. Vous êtes bien sur RIG, c'est la dernière saga des Fab Four, mais de l'année, rassurez-vous. L'année prochaine, on redémarrera pour la joie de tout le monde, je pense. Et là, c'est un tiré fatigué que vous avez ce soir. Je bafouille, je fais des erreurs. Oh, ben oui, les vacances, voilà, les vacances. Eric est là, donc tout à l'heure, ce sera Johnny de A à Z avec... un invité, une petite surprise, ça va être très très très très bien. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Wings Wildlife, le premier album officiel des Wings en 1971, et ce titre, Tomorrow, sur RIG. Around always just hope the weatherman is feeling fine, doesn't spoil our plan. Commente sur Facebook en disant un chef-d'œuvre, masterpiece, cette chanson-là. Oui, c'est vrai. C'est la, peut-être la meilleure chanson de l'album, une très très bonne chanson du grand, du très bon Paul McCartney. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George avec les Beatles ou après la séparation, séparément donc forcément. Mais même si eux-mêmes avaient fait la cover d'une autre chanson, par exemple de Chuck Berry, etc., du moment que eux le chantent, si vous avez un artiste ou même peut-être vous, si vous avez repris une chanson des 4 de Liverpool, ça peut être, oui, oui, même toi Eric, ça peut être, ça peut passer dans la cover de la saga des Fab Four. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a repris une chanson. En fait, elle est sortie avant sur un album de 1989. Elle n'est sortie qu'en 2003 pour George Harrison. La chanson s'appelle Run So Far. En 1989, sur l'album Journeyman, voici la version de Eric Clapton, quelqu'un d'assez connu quand même.

pour la prochaine chanson, je vais vous faire un petit cadeau. Je vous propose d'écouter When the Wind is Blowing, qui est sur le coffret Wildlife. Mais ce que vous allez entendre, c'est lors d'un TV show, et je ne sais plus trop en quelle année c'était, et c'est intitulé Two Fingers. Écoutez. That's how it goes anyway. Vous avez pris une partie du show, il disait qu'il avait cherché à composer un air avec, en jouant simplement avec deux doigts. Parce qu'il avait vu une peinture soi-disant, il y avait que ça a été fait comme ça. Donc, il a voulu s'y accrocher. Et bien voilà, maintenant, en 2018, je découvre que c'était une vraie chanson, pas seulement un truc sifflé. Là, voici la chanson When the Wind's Blowing sur RIG, sur l'album Wildlife. comme le disait si bien John Lennon, ah Bawakawa, poussez, poussez, ça me semble limpide. Vous êtes bien sur RIG. Dans une vingtaine de minutes, ce sera Eric avec un invité pour son fabuleux Johnny de A à Z. Pour l'instant, écoutons la chanson qui a eu le droit d'avoir des félicitations de John Lennon pour Paul McCartney, parce que McCartney a reconnu qu'il ne, John Lennon ne l'a félicité qu'une fois pour celle-ci. Here, There and Everywhere sur RIG. Knows not where Un chef-d'œuvre de chaque côté de 1965 et 66, Nowhere Man pour les Beatles avec John Lennon au chant, et Here, There and Everywhere en 66 pour l'album Revolver avec Paul McCartney au chant. Une dernière fois, l'album de la semaine, c'est Hey Diddle, le home recording sur RIG. A little song called Hey Diddle, I Want You Back. Hey Diddle, I want you back. Diddle, I want you back. Hey Diddle, I want you back. Diddle, I want you back. Woo! She can't be found. Love doesn't care, doesn't care. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Don't you swear the next time around, she'll be there. Hey, diddle, I want you back. Diddle, I want you back. Hey, diddle, I want you back. Diddle, I want you back. I don't belong, my heart isn't strong. Don't belong. Cette émission, un petit peu d'amour, Love Comes to Everyone par George Harrison en 79, la chanson de Noël de Paul McCartney, et on terminera avec du Ringo, Ringo Starr. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Comes to it. les enfants, esprit de Noël, the moon is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply, etc. Paul McCartney sur RG, on chante tous ensemble, je veux vous entendre. The spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes to time of year. Sing their song. Ding dong, ding dong, ding dong, ding. C'est ce qu'on doit tous choisir. Ringo Starr sur RG. Tomorrow day secondes, Eric et sa fabuleuse émission. Merci à vous tous et toutes. Grosse bise, bonne fête et on se revoit l'année prochaine. Salut. Yeah.